Récemment, il y a un Québécois qui a joué deux rondes sur le circuit de la PGA. Il s'appelle Étienne Papineau. Il a fait un tournoi en Arizona. Et question un peu de savoir un peu comment connaître un peu son parcours, parce que moi, écoute, je ne suis pas le plus grand connaisseur de golf. Par contre, évidemment, ça m'impressionne toujours de voir un Québécois aller sur la PGA. On lui parle. Salut, Étienne. Salut, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Étienne, je dois être là avec toi. Je ne suis pas le plus grand connaisseur de golf. Par contre, ton nom, écoute, j'ai des amis qui sont connaisseurs et qui n'avaient jamais entendu parler de toi avant une semaine, avant que tu arrives sur la PGA. Pourtant, il semble que dans les espoirs, tu n'apparaissais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai tourné pro, commencé ma carrière professionnelle il y a environ un mois et demi, environ début OK. janvier. Puis tout est arrivé pas mal vite. En fait, j'ai super bien commencé ma carrière professionnelle sur le circuit en Arizona. Okay. S'appelle le Outlaw Tour. Puis c'est ça. En fait, j'ai décidé d'aller faire les qualifications pour le Waste Management Phoenix Open. Puis j'ai continué sur une bonne lancée. Puis durant les qualifications, ça a super bien été. Puis ça m'a permis de me rendre en fait au tournoi du PGA Tour là. Ça, il faut dire, parce qu'il y a des golfeurs il y a deux façons de rentrer sur le circuit de la PGA. Il y a évidemment, comme Kevin Fortin-Simard a essayé il y a quelques années, de jouer des rondes de golf, puis aussi de jouer des rondes et ainsi de suite. Puis ça, tu as ta carte pour l'année, je pense. Hein? Et y a aussi des tournois qui se font le lundi et ils en prennent deux pour le tournoi d'après, c'est ça? Ouais, ben tout dépendant, en fait, les qualifications du lundi, ça peut être deux, trois ou quatre, tout dépendant le nombre de places que le PGA Tour donne à la qualification du lundi. Mais souvent, c'est entre deux et quatre. Ou sinon, il y a aussi, comme vous l'avez mentionné, il y a les qualifications là, par d'autres circuits, comme vous l'avez mentionné, Kevin, qui l'avait peut-être essayé OK. une année. Puis, De où tu viens? Est-ce que tu as joué, tu jouais dans le. Pierre-Alexandre Bédard a tourné pro il y a quelques années, mais de où tu viens et de où tu as joué ton golf la moi, plus je viens proche? de Saint-Jean-sur-Richelieu à Montréal, OK. proche de Montréal. J'ai joué mon golf junior au club de golf Saint-Jean, puis aussi au club de golf Pine Grove au Québec. Puis c'est ça. Ça fait des années que je joue au golf. T'as décidé tournoi pro. Dis-moi, t'es allé essayer ça, tu t'es présenté en Arizona, j'imagine, avec aucune pression. Comment ça s'est passé? Ou il y avait combien de golfeurs lorsque tu t'es classé pour ce tournoi-là? On était pour la première, la pré-qualification. Dans le fond, il y a eu deux qualifications avant que je puisse me rendre. La première qualification, on était 100 joueurs et on prenait seulement deux. Puis j'ai gagné la pré-qualification. Alors, ça OK. m'a permis d'aller à la qualification du lundi. Puis à la qualification du lundi, on était 100 joueurs aussi environ. Puis ils en prenaient seulement trois. Puis j'ai fini deuxième. Alors, ouais, c'est ça. Mais ça m'a permis, c'est ça qui m'a permis d'aller au tournoi du PGA Tour. C'est les deux qualifications. Puis, quand t'es arrivé là, le jeudi, t'as pas fait la coupure, évidemment. Tu t'es présenté là, comment tu t'es senti? Ah, ben, j'étais nerveux un peu, c'est sûr. T'arrives dans la cour des grands, c'est complètement différent, mais Est-ce j'ai que les super. terrains sont différents? Les terrains sont beaucoup plus gros, j'imagine aussi. Le fait que. Ouais, Ouais. j'ai déjà joué des terrains semblables, c'est sûr, en termes de fermeté des verres, puis rapidité, c'était beaucoup plus rapide puis ferme de ce que je joue normalement. Mais non, c'était une belle expérience. Puis, comme je mentionnais, j'étais nerveux quand je suis arrivé au début de la semaine, dans le fond. Mais plus que ça avançait, plus que j'étais à l'aise. Mais malheureusement, j'ai manqué la coupure, mais ça m'a ouvert plein d'opportunités pour le futur. Puis Comme. ben, des commanditaires pour le futur, OK. ça m'a aidé. Puis des exemptions dans d'autres circuits en Amérique du Sud, puis PGA Tour Canada aussi. Ça m'a permis d'ouvrir des portes pour le futur. Puis Est-ce que tu vas essayer d'autres PGA? Ouais, non, en fait, je vais rajouter d'autres PGA Tour des qualifications, plus vers l'été. OK. Pour le moment, je vais retourner en Arizona m'entraîner puis me préparer pour des qualifications de PGA Tour Canada, puis pour l'Amérique du Sud aussi, c'est dans certains tournois que je vais pouvoir rentrer. Mais oui, plus vers l'été, je vais réessayer des pré-qualifications, des qualifications pour le PGA Tour. C'est quoi ton objectif? Écoute, il y a très peu beaucoup d'appels, très peu d'élus sur le circuit de la PGA. Les Québécois, ils ont quand même. Les Québécois, je pense, le dernier qui est allé aux États-Unis, c'est en 2016 que Pierre-Alexandre me disait. qui s'est percé. C'est quoi ton objectif là-dessus de carrière? Évidemment, on vise toute la PGA, mais il y a moyen, je mets, de faire une belle carrière au golf sans nécessairement passer par la PGA Tour, comme tout le monde connaît. Il y a l'Europe. Il y a également un circuit parallèle c'est même qui s'appelle Nationwide. C'est quoi tes objectifs de carrière, toi? C'est sûr que c'est me rendre le plus loin possible. J'ai joué la semaine passée au West Management Phoenix Open, puis j'ai vu que j'avais ma place là. C'était juste une question d'expérience. Vers la fin, j'ai manqué un petit peu d'expérience. Ça m'a coûté un petit peu trop d'erreurs. Mais c'est juste une question d'expérience. Puis mon but, c'est de me rendre sur le PGA Tour un jour puis avoir ma carte. Est-ce que tu as l'intention de faire comme Kevin, peut-être essayer à la fin de l'année une qualification qui te donnerait le droit de participer à tous les tournois, ou c'est tu vas y aller étape par chaque tournoi à la pièce? Ça va être plus étape par étape. Il n'y a plus de qualification à la fin de l'année qui te permet d'aller direct sur le PGA Tour. Dans le fond, les qualifications à l'automne, ça te permet d'aller sur le Korn Ferry Tour qu'ils appellent maintenant, qui est anciennement le Nationwide. Puis, à la fin de l'année, sur le Korn Ferry, si t'es dans le top 25, là, tu es exempté pour aller sur le PGA Tour. Alors, il n'y a plus de qualification directe pour aller au PGA Tour. Alors, il faut que tu passes par d'autres circuits maintenant. Puis, c'est comme ça que je vais le faire. Je vais le faire étape par étape. Puis, on verra ce que ça mène, mais... T'as dit que ça t'a ouvert plein de portes. Les commanditaires, déjà, parce que le nom Étienne Papineau, on n'avait pas entendu parler du tout. Là, j'imagine... Donc, ça t'a ouvert déjà des portes. C'est quand même le fun, pareil. C'est depuis 2 semaines seulement que t'as participé. C'est le fun de voir que les commanditaires sont quand même ouverts maintenant. Guerre ne veut pas l'argent. Oui, non, effectivement. Ça m'a permis de m'ouvrir des portes. Okay. Mais c'est ça. On va continuer de travailler. Puis ça, là aussi, j'ai encore d'autres opportunités qui se présentent. On va les prendre. Est-ce que tu voyages aux États-Unis toute seule ou t'as ton entraîneur? Comment tu fonctionnes? Je suis sur l'équipe canadienne en ce moment. Fait que je voyage avec l'équipe canadienne en Arizona. On a une place pour s'entraîner là-bas. On était 5-6 en ce moment. Pas en ce moment, parce que là, je suis au Québec, mais le dernier mois et demi que j'étais en Arizona, on était 5-6 personnes de l'équipe canadienne qui s'entraînaient ensemble. Puis là, c'est ça, je vais retourner la semaine prochaine. Je pense que le Golf Canada n'a pas annoncé hier un programme justement qui va aider les jeunes golfeurs. Et pour aider les golfeurs, ça devrait être aidé, ça? Oui, c'est ça. Ça fait 3 ans, en fait, je suis déjà sur l'équipe canadienne. Fait que, okay. En espérant que je puisse continuer sur l'équipe, sur le programme de Golf Canada dans les prochaines années. Mais c'est ça, on va voir. On va voir ce que ça mène. Dernière question, le tournoi que tu as participé, on dit que c'est un show. Il y a vraiment beaucoup d'ambiance. Les joueurs sont. Les joueurs, le monde sont pactés. Est-ce que c'est vrai? Beaucoup de monde en a débrouillé. Non, c'est très vrai, en fait. Il y avait beaucoup de monde assez réchauffé, comme on dit. Il y avait des milliers de spectateurs, en fait. Le 16e trou, c'était rempli de 30 000 personnes autour du trou. Puis, sur pas le de site, masse, pas de distanciation sociale, comme de raison. Juste non, une non, non. Il n'y avait rien de ça là-bas, malheureusement. Mais aux États-Unis, c'était... pas aux États-Unis. À Phoenix, en fond, pendant le tournoi, c'était rempli de monde, puis... Ça criait, ça disait des conneries, ça disait plein d'affaires, en fait. C'était vraiment bruyant. C'est pas facile de se concentrer, mais c'est de même pour tous les joueurs. Fait que non, c'était une belle expérience. La différence des terrains, sur la PGA, elle doit être très, très notable, la beauté des terrains comparativement aux autres circuits. Effectivement. La qualité du gazon, tout le reste. Oui, non, c'est un beau terrain. Le terrain était très bien manicuré. Les conditions étaient superbes. Les greens, comme j'ai mentionné tantôt, les verts étaient extrêmement rapides, extrêmement fermes. Alors, c'était ça. C'était plus sur la difficulté du terrain. Mais comme j'ai mentionné, j'ai déjà joué des terrains semblables un peu en termes de conditions, mais pas aussi fermes et rapides qu'à Phoenix la semaine. Étienne, félicitations. Bravo. C'est pas mal le fun de voir qu'un Québécois a été sur la PGA. Puis l'objectif, c'est pas nécessairement à couper, mais c'est de participer et au plaisir de se parler. Ben, merci beaucoup, j'apprécie énormément. Voilà Étienne Papineau qui a joué sur le circuit de la PGA il y a environ 15 jours à Phoenix.